Des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 27 juillet au 2 août 2007. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous ce soir pour 4 heures. Oui, édition Super Size Extended Edition des Palmarès C'est Fou parce que, bon, le vendredi soir, Kiwan est absent cette semaine, donc je vais remplir jusqu'à 21h. Et jeudi, bon, on continue jusqu'à 18h. Ok, nous voilà, déménage d'une heure. D'accord, maintenant que c'est dit, regardons un petit peu le plan pour l'émission de ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux trucs. 6 positions en tout se rajoutent. Du côté francophone, on va entendre Udon Placard avec Lanterne Chinoise, Les Concassés avec La Mort du Rock. Dans quelques instants, Les Prostipites avec New Wave Kids. Du côté anglophone, Bad Religion avec Heroes and Marchers. United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks et Artist of the Year avec Yeah. Notre courant la semaine, cette semaine, c'est Plasticine avec l'album LP1. Je vais aussi vous faire entendre la compilation Mashed, quelques vieux succès de C'est Fou. Et dans la dernière heure, la quatrième, ça va être le spécial, les palmarès en rappel, moins 4, on va faire le palmarès tel qu'il était en 2003. Tout ça et des tonnes de chroniques les plus divertissantes, mais pour l'instant, voici nos 15e positions. Du côté anglophone, c'est Bad Religion, mais on commence par la 15e francophone. Voici les Prostiputes avec New Wave Kids au palmarès C'est Fou 89.1 FM. Pas content. Bad Religion avec Heroes and Marchers, la 15e position anglophone au palmarès. C'est une nouvelle entrée. Juste avant, c'était une autre nouvelle entrée, les Prostiputes avec New Wave Kids de leur album Sex en stéréo. Il nous reste 4 nouvelles entrées. Udon Placard, Artist of the Year, United Steelworkers of Montreal. Mais tout de suite, voici la 14e francophone, les Concassés avec leur album 099 et la pièce La mort du rock au palmarès. C'est fou, 89.1 FM jusqu'à 21h le vendredi et jusqu'à 18h le jeudi. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Les Concassés avec la mort du rock. Maintenant, voici la 14e position anglophone. Maximo Park et Girls Who Play Guitars. Maintenant, au palmarès, c'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. You've been with me a year to the day 365 days watching me decay. About girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb up on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause one minute. It's her excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. Maximo Park avec Girls Who Play Guitars, la 14e position anglophone. En fait, c'est une descente de 5 places, 10e semaine de présence. C'est un des succès de l'année. C'est l'album Our Earthly Pleasures. Juste avant, c'était la 14e position francophone. C'est une nouvelle entrée, Les Concassés, avec la barre du rock de leur album 099. On est rendu à nos 13e position. Les deux sont de nouvelles entrées. On y va avec United Steel Workers of Montreal. Mais juste avant, voici Udon Placard et Lanterne Chinoise. Au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est la radio la plus impressionnante au monde. C'est la musique de demain aujourd'hui. C'est quoi d'autre? C'est pénétrer dans la nouveauté. Je me rappelle plus des autres. Mais en tout cas, il y en a plein. Là. C'est comme plein de choses en même temps. J'ai attendu 2 semaines pour que tu appelles enfin, pour qu'on ait voir ensemble les lanternes chinoises au jardin de la gare. Et j'en ai attendu 2 autres pour qu'enfin tu te souviennes que tu m'avais oublié encore une fois. Oh mais oui, oh, mais cette fois tant pis, moi je ne t'attends plus ma belle. Et je baisse les bras, et je baisse les... Last time it rained. Took a dip lipstick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. Yeah. Teenage and pals, well, they scream louder. Back of the block, check the wire to starter. Jack goes in a notch by the blade. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down alone, these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Fall down banks and the wrong man blame. I can't remember last time it rained. 1, 2, 3, 4. She fires life all sweating strapped and coughing out a rusty old kitchen knife. Jack pulled out, heaved in the ditch. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds on the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Fall down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser end? Who won't guess? I'm a first-hand gone man. What a story told by a friend of Ted Helpson, Jim Lobby. Petite saveur folk country dans nos palmarès cette semaine. Il me semble, on vient d'entendre notre position numéro 13 anglophone, United Steel Workers of Montreal avec Small Town Bangs. C'est une nouvelle entrée de leur album Kerosene and Coal. Juste avant, c'était une autre pièce un petit peu folk, Udon Placard avec Lanterne chinoise de leur album éponyme. C'était la dernière nouvelle position du côté francophone. Il nous en reste une du côté anglo. C'est mon artiste préféré du moment, Artist of the Year, avec Yeah, qui est en 12e. Et du côté francophone, on s'en va entendre dans quelques secondes à peine les amis au Pakistan, mais avant, regardons un petit peu ce qui s'en vient plus tard. On va avoir notre coureur de la semaine qui est Plasticine. On va aussi avoir quelques sélections classiques. On va aussi avoir Mon Choix qui est Mashed, une compilation de différents artistes mashtopés, qu'on pourrait dire ensemble. En tout cas, je vous expliquerai ça tantôt. On va aussi parler de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, le top électronique, le top loud. On va regarder ce qui s'est vendu au Canada cette semaine. Tout ça et un paquet d'autres affaires et quelques surprises, quelques personnes ou peut-être quelques au singulier, je sais pas si ça se dit. Quelqu'un qui s'en vient pour placoter avec moi dans quelques minutes. Mais avant, voici notre position 12 de francophone. C'est les amis au Pakistan et la pièce qui mérite un petit peu d'ouverture d'esprit de votre part. Écoutons tous ensemble Cendrillon lave le poêle. Attention. Hein? Hein? Hein? Hey! Quoi? Fais-moi donc une béchamel! Ah, c'est des palmarès, c'est fou, jusqu'à 21h! Au C'est fou 89.fr! Caramel, mortadelle, citronnelle, cannelle et miel, chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. J'suis la maîtresse de ma cuisine, t'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle, c'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, tape à l'oublier de laver le chiffon. Tape à l'oublier de laver le chiffon. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. In English, my kids. Je voudrais être linge à vaisselle pour me mouiller à la Sorry about that. Artist of the Year avec Yeah, la deuxième position anglophone. C'est une nouvelle entrée de leur album Wreck la discothèque. C'était le coureur de la semaine. La semaine dernière, à la chance au coureur, l'émission des découvertes musicales le vendredi matin à 10h. Juste avant, c'était les amis au Pakistan avec une autre découverte. Cendrillon lave le poil de leur album Espace libidinal. C'est une descente de 3 places de ce côté qui est le côté francophone. Au retour de la pause, on va entendre, entre autres, Corrigan Fest, Plasticine, Tricot Machine, National Parks, Bradley, Joel Plaskett, Emergency. Mais avant, ces messages d'intérêt public. I'm not afraid to 11e position anglophone cette semaine, remontée de 4 places pour Girl on TV par Bradley. Son album, c'est Pink Pill Program. Juste avant, c'était Corrigan Fest avec La Victoire en chantant qui descend d'une place. C'était le numéro 10 la semaine dernière, 4e semaine de présence. L'album, c'est La Victoire en chantant. On est rendu à nos 10e positions, mais avant de passer à nos 10e, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, les uninitiated... Les palmarès, c'est fou, c'est autre chose que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. On va se concentrer sur les deux premiers pour cette fois-ci. Regardons donc, pour commencer, le top 10 électronique. Quelques nouvelles entrées, 3. En 6e position, c'est Microcosms de Eretsua. En 5e, c'est Soul Loco de Toy Cult. La prochaine est la 2e, donc on va faire le top 3 à la place. Chris Zippel est en 3e place avec Genuine Horizon, ça remonte de 2. En 2e, nouvelle entrée, The Absence avec Movie Tones. Et en 1ère, c'est remonté d'une place pour The Secret Meeting avec Ultra Shiver. Du côté du top 10 Loud, nouvelle entrée en 10e, 24/7 avec Chain of Events. C'est un groupe local, c'est un groupe de la Mauricie. En 5e position, The Truckers avec Get Rick or Drive Trying. En 4e, de descente d'une place pour King Diamond et Give Me Your Soul, Please. En 3e, remontée de 6 pour Alford et Metal God Essentials Volume 1. En 2e, c'est stable, Megadeth avec United Abominations. Et en 1ère, c'est aussi stable pour la 6e semaine, Symphony X avec Paradise Lost. En passant, Megadeth, 10e semaine de présence sur le top 10 Loud, ça va très bien. Tantôt, on fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Mais avant, retournons à notre top 10 des palmarès, c'est fou. Du côté anglophone, c'est National Parks avec Border Patrol. Mais tout de suite, voici Tricot Machine et l'ours au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. J'ai sauvé la peau d'un petit ours, puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote, et l'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche, mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance. Ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm. rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat along. 5 Beat to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat along. A 5 5 5 5 5 5 5 We pack our horns. We lead the bones. We play the roads. We walk like the weather with feet on the feather. We drum down the road somehow. Seven and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. A 5 5 5 5 5 5 5 Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, here we go. Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico. Cause the Border Patrol ain't got no control. 7 and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat alone. A 5 5 5 5 5 5 We pack our horns. We lead the bones. We play the roads. We walk like the weather with feet on the feather. We drum down the road somehow. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. 7 and 5 is the highway that I beat along. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat along. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat along. 5 Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5 is the highway that I beat along. A 5 5 5 5 5 5 the roads. We walk like the weather with feet on a feather. We drum down the road somehow. The National Parks avec Border Patrol, c'est spécial, ça fait changement de Tricot Machine, n'est-ce pas? C'est effectivement très, très différent, Mathieu. Tricot Machine, qui est un groupe qu'on adore, qu'on a croisé d'ailleurs au National de l'Art Vocal, International de l'Art Vocal. Oui, on était là tous les deux. Oui, ils étaient dans une toute petite salle et aujourd'hui, tu portes leur fantastique chandail. Merci de remarquer. Ah ben écoute, ça fait très chaud au cœur. Moi, j'ai travaillé avec la chanteuse de Tricot Machine dans un disquaire bien connu au coin Peel-Sainte-Catherine à Montréal l'année passée. Avec des acronymes, là. C'est des lettres. Oui, ça, oui, là, c'est trois grosses lettres roses, là, qu'on je sais pas si on a légalement le droit de les nommer. Légalement, j'imagine. Mais oui, bon, peu importe, on se gâtera de ne pas le faire, puisque, non. Et c'était vraiment quelqu'un de fantastique en personne, quelqu'un de très, très gentil. Tricot Machine, un groupe qu'on adore ici, assez fou. Et le gars existe aussi, tu veux dire, dis des compliments sur le Mathieu, aussi. Je le connais beaucoup il moins. Il m'a l'air très gentil. Ouais. C'est lui qui écrit quelques textes aussi, et son frère, c'est vraiment un groupe... très proche, ces deux-là sont un couple dans la vie. En tout cas, un groupe à découvrir si vous avez manqué la pièce Tricot Machine. C'est vraiment un groupe qu'on adore. C'est génial. Leur CD est éponyme d'ailleurs et vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Vous avez entendu et reconnu la voix du sexy boy Guillaume sur la chanson. Hein? Sexy? Merci beaucoup du compliment. C'est la coupe de cheveux, j'imagine, que vous ne voyez pas dans votre voiture ou à la maison, mais que vous pouvez imaginer. Donc, Guillaume qui vient faire un petit tour au palmarès, j'espère, fréquemment et régulièrement et puis adéquatement ou... Tu sais, adéquatement. Ben, j'y compte bien. Je m'ennuyais justement de mon émission que j'avais durant la saison universitaire. Reviendra-t-elle à l'automne? J'y compte bien, oui. J'aimerais ça. D'accord. On la pluggera à ce moment-là, parce que même si on la plug maintenant, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Non, effectivement. Mais il faut aller sur Internet vous renseigner. Là. Les culturistes radio motherfucker.co.uk.z. Si seulement c'était là. Si seulement. Arrêtons de divaguer, retournons à nos palmarès. Mais en fait, c'est l'heure de prendre une pause, c'est la fin presque de la première heure. Donc voici le coureur de la semaine présenté par La Chance. Au coureur! Et cette semaine, notre coureur de la semaine, c'est les filles de chez Plasticine. On a reçu leur LP qui s'appelle LP1. Très joli, les filles de Plasticine. Très joli. C'est un beau groupe. On les aime. Ils ont eu plusieurs pièces sur nos palmarès. On a eu Loser. On a eu La Règle du jeu qui est présentement sur nos palmarès. Et on va l'entendre dans quelques minutes au début de la deuxième heure. Mais tout de suite, rappelons-nous quelques souvenirs et allons réentendre leur succès Loser. Hein? Pourquoi pas? Ben, c'est le coureur de la semaine. Présenté par la chance au coureur au palmarès C'est faux 89.1. Courez les filles! Courez. On va faire ça standard. On va faire ça comme il faut. Alors que maintenant, je suis tout déboussolé. On va aller mettre le CD avant de le faire jouer. Généralement, Mathieu, ça aide beaucoup. Je pense que ça va être meilleur. C'est quoi? Loser. Au palmarès C'est faux 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Je ne réponds pas, je ne réponds pas. Et chaque fois que tu me vois, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup. Sarah, méfie-toi, loser. Trop l'arrogance sans toi, loser. Tu n'es plus qu'un roi, loser. Everybody's blind. Ooh, ooh. On that Sunday morning. Ooh, ooh. Les filles de Plasticine avec leur album LP1, c'était la pièce Human Rights juste avant. C'était leur classique Loser. On s'en va entendre quelques autres pièces parce que, en gros, l'album, je sais pas si je peux le voir ici. Est-ce que je peux le voir là? Non, c'est ça, c'est pas ça que je veux faire du tout. Alors, c'est vraiment super bon aujourd'hui. Je voulais voir, l'album dure 26 minutes 35 et il y a 13 pièces. D'accord? Donc, vous voyez que c'est des pièces très, très courtes. C'est ça, 13 pièces. On va entendre la 9e. Voici tout de suite Rake. Et on parlera de Plasticine en long et en large tantôt dans le bloc Coureur de la semaine présenté par La Chance au Coureur dans les palmarès. C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est effectivement très, très punché comme musique, le groupe Plasticine. Toutes des tunes de 2 minutes, tu me dis. Oui, c'est ça, tout en bas de 2 minutes. C'est très joyeux, hein? Ben, en tout cas, l'énergie y est, ça, c'est certain. C'est rare. C'est même... C'est très rock féminin, c'est rare. C'est très rare qu'on en entend. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Exactement. Un beau CD d'été. Ça me rappelle quelqu'un qu'on avait eu avec l'album Jouer dans les airs récemment sur les palmarès de C'est fou. Je me rappelle même plus du nom. On va aller voir ça tantôt. Arrêtons de parler de niaiserie. Je fais un beau lien, une belle référence, mais ça veut rien dire. Plasticine, groupe de rock pop garage de Paris en France. Les membres sont Cathy à la voix et la guitare, Marine à la guitare, Louise à la basse et Caroline à la batterie. Ils vont être en spectacle ce soir, si vous écoutez live le vendredi 27 juillet, c'est à 20h au Francophonie de Montréal. Ils vont être demain, samedi 28 à 20h aussi au Francophonie. Et ensuite, ça passe à la France. Par le mois d'août, le mois de septembre. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/plastine. Et n'oubliez pas comment écrire plastine, SC, et pas de S à la fin. Même si le nom du band a un S à la fin. Mais sur leur MySpace. Mais pas sur leur MySpace. Y en a pas. C'est plein de cohérence, les filles. C'est très, très beau. C'est vraiment beau à voir les filles de plastine avec leur album LP1. C'était le coureur de la semaine. Pour plus d'informations sur le coureur de la semaine, allez voir lunechance.com et écoutez la chance au coureur les vendredis matins à 10h et les samedis et mardis à 14h. Voilà, c'est tout pour le coureur de la semaine. Maintenant, on retourne à nos palmarès et c'est la fin de la première heure. Donc, résumons un petit peu ce qu'on a entendu depuis le début de cette première heure. Donc, je vais essayer de te faire suivre avec moi. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais te guider à travers tout ça. Tu vas voir, ça va bien aller, OK? Donc, commençons par le côté anglophone. La 15e position, c'est Bad Religion avec Heroes and Marchers, une nouvelle entrée. En 14e, descente de 5 places pour Maximo Park et Girls Who Play Guitars. En 13e, c'est United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks, nouvelle entrée. En 12e, une autre nouvelle entrée, c'est Artist of the Year avec Yeah. On a aussi entendu la 11e, Bradley, remontée de 4 places avec Girl on TV. Et on a terminé par la 10e position anglophone, remontée de 4 pour National Parks et Border Patrol. Du côté francophone, qu'est-ce que c'était, Guillaume? On avait des prostiputes avec New Wave Kid, les prostiputes qui font toujours dans du rock'n'roll gras de gars. C'est très, très intéressant, surtout à voir un spectacle. Numéro 14, Les Concassés avec la pièce La Mort du Rock. Numéro 13, Udon Placard, Lanterne Chinoise. Au numéro 12, Les Amis au Pakistan, avec Cendrillon Lave le Poil. Pièce très, très intéressante et variée, s'il en est une. Au numéro 10, très très bon. Là, au numéro 11, pardon, le très bon groupe Corrigan Fest avec la victoire en chantant. Au numéro 10, on les choix de tout. On les choix. Notre groupe choyé, du moins le mien, Mathieu. Le mien aussi. Tricot Machine avec la pièce L'Ours. Voilà, ça c'était la première heure. Dans la deuxième heure, on va entendre des artistes tels que Olinéa, Les Ghouls, The Brick, Jacques Mort, Fright Tiger, es-tu capable d'en nommer d'autres? PPR, les Barack Machina. Tout ça plus tard dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Bon retour, c'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Mon nom est Mathieu Plante. Et le mien, Guillaume Cholette-Janson. Pour la première fois à la radio le vendredi soir. Profitez-en. Profitez-en pendant que ça dure. Tu es en train de me dire que tu vas me quitter si vite que ça? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Deuxième heure donc des palmarès, c'est fou. On commence par les 9e positions. On va se rendre quand même assez loin. On a beaucoup de contenu prévu dans cette deuxième heure. Vous allez voir, si tout va bien, on vous agacera pas trop avec ça parce que vous savez, quand une entrevue tombe à plat, c'est difficile quand tu l'annonces. On va avoir potentiellement une entrevue avec quelqu'un de bien. D'accord? Quelqu'un de sympathique. On vous laissera le nom en suspens pour l'instant. On est correct, il n'y a pas de faux hype, là, mais il y a quelque chose qui s'en vient. On ne crée pas d'attente du tout, là. Du tout. Pas du tout. 9e position anglophone, c'est Symphony X avec Eve of Seduction. Mais tout de suite, voici la 9e francophone. C'est Plasticine. Quel drôle de hasard avec la règle du jeu. Mm-hmm. C'est louche, hein, un petit peu comme... c'est comme tu te demandes comment ça se fait. On vient de jouer comme 15 minutes, ça va faire? Ouais, mais s'il y a rien qu'à pas avoir des pièces de 2 minutes... Et voilà. Et puis c'est si rafraîchissant. Allez les filles! Mettons nos orteils dans l'eau. Tout de suite avec Plasticine et la règle du jeu. On va faire assez fou, 89 fois. Je t'ai montré comment tu devais jouer. Et je ferai en sorte que tu ne triches pas. Devant tes yeux, tous les dés sont lancés. Je joue, joue, joue avec toi. D'accord, le jeu était codé. Je jouais le fou et tu étais mon roi. J'ai perdu ma vie sur le damier. Tu joues, joues, joues. contre moi. Je n'attends que toi. Tu grimpes à l'échelle pour attraper loi. Je ne suis peut-être pas celle que tu crois. Je perds, perds, perds contre toi. Je suis dangereux, je suis dangereux. Symphony X avec Eve of Seduction, remontée de 4 places de la 13e à la 9e. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière de leur album Paradise Lost. Ça me donne tellement le goût de jouer à Guitar Hero et de faire des solos de la mort, moi, du Symphony X. C'est du bon heavy metal. C'était très bon. Juste avant, c'était la position francophone. Qu'est-ce que c'était, la 9e? C'était Plasticine, ma foi. Ben oui. Pâte à modeler, tu sais. Comment tu dis? Pâte à modeler. Bah. Plasticine. Bah. Ouais, mais quoi que c'est français, donc on devrait plutôt dire Plasticine. Plasticine, encore, avec la pièce La Règle du jeu. Et si vous aimez, on vous rappelle qu'ils sont au Francofolie ce soir et demain. C'est vrai. Si vous écoutez live le vendredi. Oui, évidemment. 27 et 28. Parce qu'après ça, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir se diriger vers la France. Le beau pays, là, lointain. C'est sympathique. Ouais, okay. Okay. Donc, avant de passer à nos 8e positions, allons voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les néophytes, les gens qui ne connaissent pas trop les palmarès, dont toi, un petit peu. Les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Non, détrompez-vous, arrêtez de penser ça, c'est un canular. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. On a fait la première partie tantôt, on est rendu à la deuxième, suivez avec nous. Donc, on est rendu au top 3 des disques canadiens. Je vais faire la nouvelle entrée, d'accord? Nouvelle entrée, c'est Pride Tiger avec The Lucky Ones. Quels sont nos deuxièmes et premières? Eh bien, on a Little Jabs en deuxième position avec la pièce Little Jabs, que dis-je? Et le groupe, c'est Two Hours Traffic. Et en première position, ils le méritent avec leur tout nouvel album, Les Matrix, avec Grow Up and Blow Away. Je trouve être du matériel qu'ils ont fait avant. Là. C'est un nouvel album, là, mais ça se trouve être du matériel, là, des pièces qui ont été composées en même temps que le leur vieux album. Et ah ouais. Soit dit en passant, Mathieu, il y a cette semaine, Emily Haynes, la chanteuse des Matrix, qui sortait son B-Sides parce qu'elle a fait un projet single. Puis elle sortait, Emily Haynes and... Knives on That Girl Back. Ça, c'était le nom de l'album qu'elle a sorti. Et ça fait à peu près... pas tout à fait un an. Okay. Et très récemment, elle a sorti... Ben, en fait, cette semaine, elle a sorti un B-Sides. Et la semaine dernière, Matrix, son groupe, sortait un album. Fait que ça... Il s'en passe des affaires chez Matrix. C'est vraiment au courant. J'ai hâte de recevoir ça, moi, d'abord, des B-Sides. C'est très, très intéressant. J'ai très hâte. Donc, on vous tiendra au courant. Du côté du top 30 des albums, voici quelques nouvelles entrées. De ce côté-là, on commence par la 30e position à Hot Little Rocket avec How to Lose Everything. Ensuite, on remonte en 13e pour retrouver Bad Religion et New Maps of Hell. En 10e, c'est Artists of the Year, qui, je vous le rappelle encore une fois, ce sont nos fonds, les palmarès. Donc, si vous les aimez, Artists of the Year, avec leur pièce hier, eh bien, écoutez les palmarès, c'est fou, ça va tout le temps jouer. Et puis ensuite, le top 3, s'il te plaît, Guillaume. Au numéro 3, ben, Colin, encore les Matrix. Oh non, là, ça va pas. Je te dis, regarde, ils sont bons. numéro 2, The Answers. Et au numéro 1, du très bon rock, les Klaxons. Oh yeah! Tiens, ben, on retourne dans nos palmarès. C'est fou, maintenant que c'est fait, ailleurs dans les palmarès, c'est tellement intéressant. Plus tard, on va parler des disques les plus vendus au Canada. On va aussi parler des pièces les plus téléchargées sur iTunes. Ça, c'est dans à peine quelques minutes. Mais pour l'instant, on va entendre nos 8e positions. Du côté anglophone, on retrouve Joel Plaskett, Emergency. Mais avant, du côté francophone, un groupe qu'on aime tous les deux. Jacques Mort, le projet parallèle du claviériste de Malajube. Ah, tu vois, c'est pour ça que tout le monde dit ça ressemble à Malajube. Il y a quelque chose. Écoute-moi ça. Voici Feu Follet de Jacques Mort au palmarès. C'est fou, 89.1 FM. Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada. Jacques Mort avec Feu Follet. Maintenant, tout de suite, voici la huitième anglophone. C'est Joel Plaskett Emergency. Avec la pièce Fashionable People. C'est nous autres, ça. Ça parle de nous autres, la toune. Yeah. Au palmarès, c'est fou, 89.1 ZF. I wanna drink too much. You look Polish. Got a wicked sense of humor. I feel dizzy. And I want your touch. Let's get tipsy and start a rumor. Feel restless here. I can't sit still. Everybody at this party's got their fingers in the till. I bet their parents are ridiculously loaded. Let's get moving before I'm loaded. The dancers need a dance floor. The sweeties gotta swing. Fashionable people doing questionable things. You like my band. I like your boyfriend too. Do you think he'd understand? I can't remember how we ended up out here. But all good things have got to start somewhere. The dancers need a dance floor. The swingers gotta swing. Fashionable people doing questionable. Hitch a ride for free. The dancers need a dance floor. The swingers gotta swing. Fashionable people doing questionable things. Looking just like magazines. Fashionable, fashionable, fashionable people. That's what I'm talking about. The Joel Plaskett Emergency avec Fashion People remonté de 4 positions. C'était la 12e la semaine dernière et c'était une nouvelle entrée la semaine d'avant. Ça venait de leur album Ashtray Rock. Juste avant, c'était Jacques Mort avec leur succès Feu Follet Stable en 8e de leur album Jacques Mort. Et maintenant, un moment On vous l'avait promis. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps de recevoir quelqu'un de la formation The Brick qui vient de nous téléphoner comme ça par hasard total. C'est pas du tout prévu. Et je l'accueille. Bonjour. Ah, bonjour. Et bonjour. Après 3 bonjours, normalement, je pense que ça devrait être le temps d'arrêter. Hein? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Non? Non? On reviendra peut-être à ça plus tard. Pour l'instant, on va écouter une pièce de leur part, un de leurs succès. Pas la pièce qui est sur les palmarès présentement, parce que ce serait beaucoup trop ridicule de vous faire ça, je veux dire, quand même. Voici la pièce Les Trois Singes de leur album le plus récent. Et puis, on reviendra avec eux peut-être plus tard au Palmarès Info 89.fm. Qu'à moi, les problèmes d'affaires, c'est pas mon affaire. Mais quand les compagnies exploitent en Ouganda, des enfants de 6 ans, c'est peut-être à cause de moi. Je veux la centrale, ce n'est pas valable. Je vais payer un peu, pas trop me sentir coupable. Personne ne se lève, personne ne se digne. Comme un rétro-singe, j'ai viré de rien entendu. Donc, comme nos forêts, de nos océans bleus, exploité comme jamais, elle meurt à petit feu. Joyeusement de faire des ancestrales. Le futur de nos enfants s'en balance pas mal. Le grand but dans la vie, dans tout l'Occident, c'est pas d'être écolo, c'est d'avoir plus d'argent. Personne ne se rêve, personne ne se vie. Comme les trois singes, qui n'est même rien entendu. Pour qu'on voit le drapeau battre aux quatre vents. Tout le monde veut pourquoi le sens et la raison. L'amour de la patrie cache la corruption. Quand je veux le pouvoir, j'ai de bonnes raisons. J'ai de bons amis, de belles ambitions. Personne ne se rêve, personne ne se digne. Comme les trois singes, je n'ai rien entendu. Personne ne se rêve, personne ne se digne. Cause they haven't got any words. I'd like to take this opportunity to say, you can be a man of faith, or you can be a hired gun. You'll be 1988 and I'll be 1941. Quit acting like a mama's boy instead of your father's son. Penny for your thoughts, music for your money. Show me what you got, play it for me, honey. Penny for your thoughts, music for your money. Show me what you got, play it for me, honey. Une pièce bonus de Joel Plaskett, Emergency, groupe qu'on adore ici à C'est Fou. Et c'était la pièce Penny for your thoughts. On se divertit comme ça, on vous en donne assez pour votre argent dans vos oreilles, qui est dans votre... Penny for your touch. J'essaie de trouver un jeu de mots pour ça. Pas facile. Non, je pense que tu y arriveras pas. Non, on va abandonner la place. Oui, t'es aussi. On aime ça abandonner. vous écoutez les Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain à la station qui vous présente aussi la musique de demain. Je m'appelle Mathieu Plante et il s'appelle Guillaume Chalgeance. Ah ben merci. C'est bien. Et pourquoi, Mathieu, on dit la musique de demain? Pourrais-tu nous donner un exemple, mettons, d'un artiste là, qui jouerait demain? Demain, là? Demain, c'est la rediffusion à cette heure-ci de... musique de demain, c'est des groupes tels que Olinéa, qui jouent pas vraiment ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait dire qu'il y a des... Mettons, la Baroque Machine, je pense pas que ça joue ailleurs. Non. Est-ce que Chez Disco joue ailleurs? J'ai jamais entendu parler de ça. Et demain, même plus, peut-être dans le sens où Xavier Caffeine, ça fait combien de temps qu'on fait jouer ça, nous? Ça fait des années. Et puis ça c'en est un, ça! Oui! Qui est un groupe de demain, aujourd'hui? Tricot Machine, demain, ça joue partout. Demain, c'est pas déjà fait. Ouais, je pense que hier, ça a déjà joué. Ouais. Mais quand c'est un bon coup. Ça pour dire qu'on vous passe la musique et les autres ne passent pas encore, mais passeront peut-être un jour. Quand ils se réveilleront. Et pour vous en donner la preuve, tant qu'on va se réveiller, c'est drôle. Certes. Autre chose, parlant de choses qui jouaient hier assez fou et qui maintenant, aujourd'hui, demain et la semaine prochaine vont jouer ailleurs. Ça a-tu du sens comme phrase, pas vraiment? Oui. Tout ça pour dire qu'à partir de 20h, ou encore si vous écoutez le jeudi, c'est à partir de 18h, la quatrième heure au complet va être consacrée au palmarès en rappel. Pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est qu'on va jouer le palmarès tel qu'il était en 2003. Et mentionnons quelques artistes, tiens. On va jouer les 5 premières positions de chaque bar. On va entendre entre autres du Antoine Graton. T'aimes ça, toi? Oui, ben oui. Du Capitaine Révolte, tu connais ça? Hein? Très bon. Du Ouch, tu connais pas ça? Hein? Non, pas du tout. Ah, tu vois, il y en a qui marchent pas des fois. Ça. C'est 50-50. Ah, ben écoute, non, on prend un risque, là. Est-ce que tu connais Starbuck et les Impuissants? Non plus, tu vois. On n'a pas plus connu que du succès ici. Du côté anglophone, on va entendre du Metallica, ça tu connais? Vaguement. Ouais, vaguement. Du White Stripes, vaguement aussi. J'ai un petit coup. Il y a aussi Lucerin Blue. Ça, tu connais pas ça? Non. Du Anecdotin. Pop. Du Jane's Addiction, par exemple. Oui, James. Mais sans rien dire de plus, là, ça fait 10 positions. C'est toutes les 10 positions qu'on va entendre tantôt. Ah, ben, ça va être très, très bon. Moi, je les ai toutes d'en face depuis tout à l'heure. Là. J'ai... ça t'intrigue. J'ai hâte de retourner en 2003. Flashback. La voûte, on pourrait appeler. Mais nous, on revient au palmarès format tout à fait standard. On est rendu à nos 7e position. Du côté anglophone, on s'en va entendre un tigre particulièrement fier. Mais avant, du côté francophone, qu'est-ce qu'on s'en va entendre? C'est la 7e. Olinéa, avec la pièce Lame de fond. Et ça commence... maintenant. Au palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui, au 89.1. Et plus tard, ça sera la musique d'hier, aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai, je pense à toi. Au linéa, sur les ondes de C'est fou! Sombre et c'est plein de doigts pour te couler. Tu es la pole. Foncez, vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. Souris de voir les embarrer. Face à face, tes yeux fermés. fils du fermier. Tu laisses le plat se dessiner, tu joues les cartes sans brancher. C'est la lame de fond, c'est la sirène insidieuse, et tu le sens, toi, fait voler. C'est la lame de fond, c'est la sirène insidieuse, Cried Tiger. Let him go, c'est la position numéro 7, anglophone remontée de 3 places, 3e semaine de présence. Juste avant, c'était le côté francophone, n'est-ce pas, Guillaume? Et tout à fait, avec Olinéa. Olinéa. Olinéa. Ah, ben, gadon ça. Hey, savez-vous quoi? On est un petit peu en retard dans nos affaires, on veut vous vendre des trucs. Fait qu'on vous laisse faire ça, puis on revient après avec nos 6e positions. Restez avec nous au Palmarès Info, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ouais. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, la musique de demain aujourd'hui au 89.1 FM, votre radio campus. Son nom est Guillaume Michelet-Janson. Et le mien est... Mathieu Plante, la voix de C'est fou. Ah, ça dépend des jours. Non, mais c'est un compliment, là. Ah, t'es fin. Oui. La voix de C'est fou quand t'es là. Ah! Ah, c'est un compliment dans le fond pas mal improvisé, fait que je sais pas si c'est bon ou mauvais. On est rendu aux positions numéro 6, c'est-à-dire du côté anglophone, on s'en va entendre presque là bientôt, le Two Hours Traffic avec Nighthawks qui remonte d'une place, mais avant, les Ghouls. Oh les Ghouls! Avec leur son totalement écorché sur les ondes de C'est fou! 89.1 FM! Back down, I wish you. Moi, ouais, ça, puis le chlore. Les algues, puis le chlore, ça m'intéresse pas vraiment. Mais t'sais, pour ce qui est du reste, la politique, ça peut être bien intéressant. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce que je suis pas au courant de tout que ça veut pas dire que je m'intéresse pas, tu sais. Ben non. Je peux aimer ça pareil. OK, donc ce qu'on vient d'entendre, c'était les positions numéro 6, les Ghouls avec Dimanche qui descend d'une place. Et du côté anglophone, c'était Two Hours Traffic avec Nighthawks. Et nous, on se parlait politique comme ça, disant que bon, la gauche, la droite, l'autre journal, pis ci, pis ça, pis qu'est-ce que ça veut dire. Puis des fois, je disais que je comprenais pas, il fallait qu'on m'explique un peu. C'est compliqué la politique, tu sais, ça paraît pas. Hein? Ben, j'étais en train d'y expliquer que c'était pas si compliqué que ça, mais on perd quand on vient parler des algues bleues. Et oh, on vient de bleues, sont-tu à gauche ou à droite? La boucle est bouclée? On est assez centrés, je pense. C'est ça, il y a une opinion assez so-so. On est rendu à nos positions numéro 5, mais il nous reste quand même un petit peu de temps avant la fin de la deuxième heure que je vais même te demander à l'improviste comme ça de me passer un de tes CD. Ça va me faire plaisir. Je vous fais écouter Amy Winehouse. J'imagine que certains d'entre vous en auront entendu parler. Amy Winehouse, qui est comme une espèce de Britannique, elle a la voix d'une femme noire énorme qui chanterait du soul un peu... c'est pas funk, c'est... Ben, ben indescriptible, mais il y a un vieux son, mais en même temps, c'est bien au niveau du son, un peu d'électro, un peu de. C'est bien machin. La pièce que je fais jouer un peu plus soul, elle s'appelle Rehab. C'est la première du disque, Mathieu. C'est bien facile de dire que t'en fais, c'est plaisir. Ah, ok, ça, c'est bon. Et Rehab, comme dans réhabilitation, comme dans un centre de réhabilitation. Ouais. Parce que Amy Winehouse est tout à fait réputée dans les magazines à potins britanniques. C'est la Paris Hilton de l'Angleterre. Ça veut dire qu'elle est tout le temps saoule quelque part, elle est tout le temps en train de perdre son permis. Conduire, tout le temps un livre de coke dans sa sacoche. Elle est complètement wastée, mais c'est un personnage en soi, c'est vraiment quelqu'un, un party animal. Et bref, ça se trouve être son deuxième album, sorti à la fin de l'année dernière, qui est excellent. Elle fait vraiment de la très très bonne musique. Elle va être cet été à Oceaga, à Montréal, le festival complètement débile, l'espèce de petit Woodstock montréalais. Il y a vraiment des gros gros bands, dont Amy Winehouse, qui va être là. Et j'ai une petite nouvelle sur Amy Winehouse après avoir fait jouer cette pièce qui est Rehab, dans laquelle elle nous dit « Non, je n'irai pas en réhabilitation. Je vais continuer de boire et me dévisser la gueule. » Tu sais ce qui mérite pas de réhabilitation? Les palmarès, c'est fou parce que c'est bon. Amy Winehouse sur les ondes de C'est fou. Donc, un petit fait divers sur Amy Winehouse. Je vous disais tout à l'heure que c'était une party animal qui était tout le temps sur l'alcool et les drogues et bon, qu'elle menait une vie de débauchée. Eh bien, cet été, elle sera à Oshaga et sur un site, mon Dieu, le site m'échappe. Mais bref, vous pouvez parier sur la mort de certaines célébrités en ligne. Donc, vous faites vraiment un peu comme une course de cheval, sauf que là, c'est le premier qui va trépasser au lieu de dépasser la ligne d'arrivée. Haha! Ben, notamment, si vous aviez parié sur Lady Di il y a quelques années, ben, vous auriez gagné, gagné quoi? Allez savoir, mais gagné. Et cette année, Amy Winehouse est dans le top 10 des célébrités qui devraient mourir potentiellement d'une overdose parce qu'elle n'est pas très vieille, Amy Winehouse. Donc voilà. Alors profitez-en pendant que ça passe. Back to Black, son album qui est excellent. Elle sera à Oshaga cet été. Est-ce que c'est youbettheirlife.com? Il me semble que c'est ça. Youbettheirlife.com. Oui, oui, oui, oui, oui, c'est définitivement et ça. Et puis il y a deathlist.net si vous voulez savoir la liste des gens qui sont morts récemment et depuis les années dernières. C'est un peu tordu, mais j'aime bien, malgré tout. Il y a quelque chose de... de, ouais, comment dire, morbide. Ouais, ouais, ou de, on joue sur la vie des autres, puis c'est ludique. En tout cas, c'est bien bizarre, mais bon, entre deux bières, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, Amy Winehouse. Oui. Maintenant, on écoute... en fait, on va aller en pause parce que c'est la fin de la deuxième heure des Pommarais. C'est fou. On va même se permettre de résumer un peu ce qui s'est passé depuis tantôt. Hein? J'y conviens. On a arrêté au numéro 10 tout à l'heure avec du côté francophone Tricot Machine avec la pièce L'Ours. Au numéro 9, c'est le groupe Plasticine... qui sont aux Francofolies de Montréal avec La Règle du Jeu. Numéro 8, Jacques Mort avec la pièce Feu Follet. Numéro 7, Olinéa avec L'Âme de Fond. Et numéro 6, Les Ghouls avec Dimanche. Du côté anglophone, en 10e position, c'était National Parks avec Border Patrol. En 9e, Eve of Seduction de Symphony X. En 8e, remontée de 4 pour Fashionable People de Joel Plaskett Emergency. En 7e, Pride Tiger avec Let Them Go. Et en 6e, c'était Two Hours Traffic avec Nighthawks. Dans la 3e heure, et la dernière pour les palmarès standards, vous allez entendre des artistes tels que The Brick, La Loi des Cactus, La Banque Machine, Pépé, Air, très bon groupe. Vous souvenez-vous de Sexy Boy? Moi, à chaque fois que je... Sexy Boy? Ben oui, c'était une pièce de Air. Ouh, Sexy Boy! Non? Mm. Ça a été leur succès. En tout cas, tous ceux qui s'en rappellent, klaxonner. Si, vous entendre. Si seulement on l'avait, on pourrait vous la faire jouer, peut-être. Allons-nous la chercher. Restez là, c'est la troisième heure des palmarès. C'est fou, 89.1. Directement des studios de C'est fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Downtown Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Avec Mathieu Plante. Et Guillaume Chelette-Janson. Hey, on vous gâte avant de se relancer dans le palmarès du côté anglo et franco, avant d'amorcer notre top 5. On se paye une petite traite et on fait jouer une pièce nostalgique du bon vieux Boris Vian. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ça se trouve être l'espèce de... François Pérusse, non filtré de l'époque. Un Français, donc, complètement déluré. Et on fait jouer la pièce « Je suis snob ». Ça se trouve être vraiment un beau petit cours de... C'est quoi être snob? Boris Vian vous l'explique dans une chanson. C'est excessivement bien synthétisé et aussi très, très drôle. Au palmarès, c'est fou. Tu disais quoi? Non, c'est... Je serai pas mon snob, je vais arrêter de parler. Ah, t'as rien compris. Oh, bah... Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chemise organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds pour celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est Bats. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non, comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, j'suis snob. Ah ah, j'suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. J'suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Boris Vian qui nous donnait un petit cours de comment être snob. N'est-ce pas fantastique? Encore plus snob que tout à l'heure en plein milieu de la chanson. Elle me fait rire à chaque fois. J'adore. Donc, Boris Vian, ça vient de l'album Chanson possible ou impossible. Ah, ben, tu vois, ça dit tout. Et il y a la pièce Fais-moi mal Johnny là-dessus. Oui, la Java des bombes atomiques. C'est un excellent petit album de Boris Vian. Ben, en fait, un de ses seuls pratiquement. Où est-ce qu'il chante pratiquement toutes les pièces? D'accord. Maintenant, on retourne à nos palmarès format standard parce qu'on est rendu à nos cinquièmes positions. Du côté anglophone, on va retrouver Shit Disco avec I Know Kung Fu qui remonte d'une place, mais avant... Du côté francophone, The Brick avec toi. Avec toi. Oui. Avec toi. Avec la pièce, avec toi. Au palm, arrête, arrête, c'est fou. C'est fou. Yeah! 89 FM. Ce sur la lune, on va toucher au soleil. À Chamon dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec toi j'ai fait la guerre, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour, jusqu'au petit matin. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même endormi je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec toi dans ce monde de poussière et de sang, je me sens capable de le prendre et d'y faire face pour un instant. Avec toi si tu veux, on va parcourir la terre, lui faire chanter ses louanges, lui faire vomir ses enfers. Avec toi tu contre moi, tu vis dans mes pensées, même en temps je te vois. Avec toi tu contre moi, là où tu m'arrêtes, je continue avec toi. out with me in your introspection. Insurrection, no protection. I try to hide my erection. I say one, two, one, two. I know kung fu. They only read between the lines, but they can read you. They watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, boo. Now you know what to do. Disco avec I Know Kung Fu, c'est la position numéro 5 anglophone remontée d'une place. C'est bon ça! C'est très très bon, I Know Kung Fu. Et avant, c'était du côté francophone, avec toi de Zubrick. Ça aussi c'est très très bon. Tu viens de découvrir Zubrick? Oui, puis sais-tu à quoi j'avais le goût de comparer Zubrick? Ben là c'est sûr que c'est un peu loin dans la tête de tout le monde. Mais bref, la prochaine fois que vous entendrez du Zubrick, dites-vous qu'on dirait un texte de Louise Attax sur de la musique des Breastfeeders. Ouais, en tout cas, c'est, ouais, je vois le. Mais peut-être c'est moi qui capote, mais je trouvais ça. Je trouvais ça bien bon. C'est un très bon style, très beau petit groupe québécois. On va les retenir. Ok, hein? Oui. Parle de choses à retenir. Hein? Ça t'intrigue comme lien. Les auditeurs ne voient pas mon regard perplexe, mais il est digne de Jean-Luc Mongrain. S'il le voyait, il serait. Abasourdi. Sidéré. Il y a un jeune artiste, Mathieu Lafrenière, qui expose à la galerie d'art L'Appart du 45 Saint-Antoine à Trois-Rivières, au centre-ville. Tu connais la place Saint-Antoine? Oui, oui. Donc, si vous voulez des informations sur lui et sur ce qui se passe à la galerie d'art L'Appart, téléphonez au 819-379-6442. Le 379-6442. Donc, c'est Mathieu Lafrenière, jeune artiste pop contemporain, qui expose à la galerie d'art L'Appart au centre-ville, sur Saint-Antoine. Donc, retenez ça. Allez-y. Faites-vous plaisir et faites-lui plaisir. Bonne place, bonne personne, bon art, c'est super bon art. Dans certains cas, je crois que le dictionnaire accepterait. Ouais. Ben non, mais c'est super intéressant. Attends, je peux te faire un jeu de mots avant. Je dirais qu'il n'y a jamais trop de bon art pour s'intéresser à l'art. Ça devrait être leur slogan, ça. Oui. Hein, on est là pour eux autres. Merci, Mathieu. De rien. Ça me fait plaisir. Non, mais voilà. Donc, l'annonce est passée. Parlant d'annonce, tantôt, j'ai appris de sources sûres, d'une source fiable, d'une grande source. Qu'on appelle Brian Hamel, animateur de Sky Punk les jeudis soirs à 21h, qui m'a appris que les francophonies, il y a des artistes très très bons, dont les prostituées qu'on a entendu tantôt dans les palmarès. Oui. Ils vont être le samedi 4 août à la zone Molson Dry, à la scène méga fiable. Donc, une scène méga fiable à l'intérieur de la zone Molson Dry, à l'intérieur des francophonies de Montréal, d'accord? Oui, je te suis vaguement. Donc, est-ce que c'est un spectacle officiel de la programmation des francophonies? Je crois que oui. Donc, ça va être le samedi 4 août. C'est gratuit. Scène méga fiable. La scène méga fiable, c'est la scène de leur étiquette. D'accord. Et les Francopholies, ça se déroule du 29 juillet au 5 août. C'est la 19e édition. Si vous voulez plus d'informations, allez voir francopholies.com. Je vais aller cliquer sur le lien et voir si c'est vraiment un spectacle officiel. Mais donc, samedi 4 août, les Prostiputes avec leur album Sexe en stéréo. Quand même pas pire. On fait des annonces. Et tu sais comment ça s'appelait l'ancien album des Prostiputes? Non, comment? Trop souvent mal baisé. Oui, je me rappelle de ça. C'était très... Il y avait un cœur là-dessus, je pense. Oui, exactement. C'était rock'n'roll. Et toutes leurs tunes, systématiquement, commençaient par 1, 2, 3, 4! C'est classique. Ah, j'adore ça. J'adore ça. C'est tellement le fun. Non, on fera d'autres plugs tantôt. C'est assez de plugs pour l'instant. On s'en va entendre nos positions numéro 4. Voici tout de suite Air avec leur succès, Mère du Japon. C'est ta mère. Ben oui, elle reconnaît le beat, Mathieu, là, c'est « Ooh, sexy boy ». Non? De Air? Mais oui, de Air. Tu me laisses perplexe, je suis pas sûr. Je te garantis, mais on écoute Mère du Japon. Amène-nous du Air la prochaine fois que tu viendras. Hein? Promis. OK. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Set me free. du bon vieux Megadeth. Hey, c'est une reprise, ça, cette pièce-là, à tout oui, le monde. Absolument. Remake de leur propre pièce d'il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond. Écoute, quand on est bon, hein, on est bon. Fait qu'on peut se permettre de refaire ce qu'on a fait, parce que c'était bon. C'était tellement bon pour un CD que c'est bon pour deux. Attends une minute, je pense que c'était très bon, ça. On fait ça. On vient d'entendre Megadeth avec United Revolutions. Hey, c'est bon, c'est bon vieux Megadeth. Ben écoute, c'est tellement bon qu'on... on se comptera pas de la refaire une troisième fois. C'est ça. Donc, ça, c'était Megadeth, la position anglophone. Juste avant, c'était du côté francophone, Air, avec Mère du Japon, qui est stable en quatrième, septième semaine de présence. Grand succès, ça arrête pas de rester où c'est ou encore monter ou redescendre. C'est pas mal ce que font toutes les pièces, mais celle-là dure depuis longtemps. Les deux prochains numéro 3, Mathieu, étaient nos grands gagnants la semaine dernière. Ça veut-tu dire qu'on a deux nouveaux numéro 1? Ça n'a même pas l'air de deux fois en même temps. Moi, je supporterai pas ça. Je pense pas que mon corps puisse supporter ça. Ben, il devra. Il devra parce que je te l'annonce à l'instant. Demetric et Pépé ont perdu leur place de grands champions. Dommage. Mais on va quand même les entendre. On va se récompenser. Avant de faire ça, par contre, tantôt, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais mentionné qu'on ferait un petit jeu spécial. Oui. Et j'ai très, très hâte. Et vous aussi à la maison, sans le savoir, vous avez hâte. Voilà, parce que vous allez voir, c'est très fascinant. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Ripped from Headlines or Plot from Scooby-Doo. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est un grand titre de journal de crime ou est-ce que c'est un scénario d'un épisode de Scooby-Doo? Donc, voici 10 histoires. Certaines sont vraies, certaines sont des épisodes de Scooby-Doo à l'intérieur du canon, ce qu'on là, appelle le canon. Là, j'en ai pas entendu encore, mais ça a l'air très facile. Là. Je veux dire, Scooby-Doo, c'était tout le temps excessivement tiré par les cheveux, une histoire de maison hantée par des gens qui voulaient la vendre à son nom. Je vais te tester. C'est ça au hasard, là? Oui. Ben, pas du tout la première question. On va faire la première partie, les questions 1 à 5 tout de suite, d'accord? Donc, un homme, question 1. Un homme a été appréhendé après qu'il ait fait semblant d'être un mineur, c'est un gars dans une mine, oui. Un mineur de 150 ans. Donc, il voulait faire peur aux gens dans une ville dans l'Ouest américain. Il voulait rendre les gens complètement fous en leur faisant peur pour essayer de descendre la valeur des maisons là-bas, pour pouvoir s'acheter la ville au complet et mettre son huile, parce que son huile, il l'a gardée dans sa mine et maintenant, il voulait la mettre dans la ville. Est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est un épisode de Scooby-Doo? Écoute, j'ai une conscience et un bon sens qui me pousserait à dire que c'est un épisode de Scooby-Doo. D'accord. Question 2. Un déguisement inhabituel a permis à un homme de voler une banque avec succès. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis des branches partout sur lui-même avec du duct tape, du ruban collant. Il s'est déguisé en arbre ambulant. Il a laissé la banque avec un montant d'argent indéterminé. Est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est un épisode de Scooby-Doo? Ben, ça serait aussi un épisode de Scooby-Doo. OK. J'ai hâte de voir si t'as raison. Question 3, parce qu'il faut attendre la fin pour savoir les réponses quand même. Question 3. Après avoir été nommé un des 5 héritiers du testament d'un millionnaire, un homme a essayé d'éliminer les autres héritiers pour prendre leur fortune. Il s'est fait avoir, mais ça lui dérangeait pas parce que la fortune, en fin du compte, était une somme d'argent de la Confédération, qui appelle dans le texte, qui ne valait rien en fin du compte. Donc, il y avait de l'argent qui valait rien. Est-ce que c'est une vraie histoire ou un épisode de Scooby-Doo? Bon, ça peut être une vraie histoire. Ça a l'air plausible. Merci. Oui. Question numéro 4. Un homme, ils disent Hooded Man, un homme avec, je crois, un genre de chose pour lui cacher la figure, d'accord? Entré dans une maison où un groupe de jeunes adultes est en train de manger, et a pointé un fusil vers une fille. Après lui avoir offert quelque chose à boire, le groupe a invité le criminel à s'asseoir avec eux, et l'incident s'est terminé dans la joie avec un gros party. Une grosse soirée de fun et de plaisir. C'est peut-être un petit peu trop dark pour Scooby-Doo, malgré la fin. Je vais y aller pour l'événement vécu, la vraie headline. D'accord. Question numéro 5, la dernière pour cette première partie. C'est la revanche, si on veut, qui a motivé une femme à faire semblant d'être un fantôme pour hanter les gens qui occupaient un vieux château en Europe et le manager aussi de ce château-là. Le fantôme, entre guillemets, qui travaillait en tant qu'employé du centre culturel du château, a été appréhendé pour avoir causé des sons mystérieux et avoir endommagé la propriété du château. Est-ce que c'est une vraie histoire ou un épisode de Scooby-Doo? Ça, c'est très, très Scooby-Doo. D'accord. Ça, c'est la première partie, les 6, 7, 8 et 9e et 10e. Questions s'en viennent plus tard. Et les réponses à tout ça, pour l'instant, on garde un petit peu de suspense, un peu comme un épisode de Scooby-Doo. Oh! Hein? D'accord. En allant entendre nos 3e positions, du côté anglophone, c'est Metric. Mais avant, on écoute une pièce de Pépé. Bobette Bob. Pépé au palmarès. C'est fou. Au 89 FM, la radio Corpus de Trois-Rivières. Ça arrive pas souvent que je sors pour m'acheter des babettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la quéquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon mono déborde. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Babette. Je voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes vieilles bobettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Babette Bob, c'est mes bobettes préférées. Babette Bob, c'est mes bobettes préférées. Babette Bob, c'est mes bobettes préférées. Babette Babette. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Babette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon mono déborde. Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces babettes-là ne se font plus sur le marché. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, c'est mes babettes préférées. Babette Bob, Babette Bob, Babette Bob, Babette Bob, Babette Bob, Babette Bob. Au retour, Metric, la loi des cactus, la baroque machine et klaxons au palmarès. Grow up and blow away. Her heart, he wants to stay. Occupé par Félix Sauve, tu m'écoutes même pas. J'écoutais la musique. Ah, c'est vrai que c'était bon, par exemple. Ça, je ne peux rien dire contre le fait que c'était bon. Excellent, le nouveau, nouvel album de Metric. Il s'appelle très. You See Grow Up and Blow Away, c'est le nom de l'album, c'est le nom de la pièce. Oui. On pourrait changer le nom de l'émission pour Grow Up and Blow Away, tellement c'est bon. Ou Metric. Le Metric Show, j'aime ça, c'est bon. Système métrique, faut que ça arrive partout au monde, ça. Système impérial, là, en fait. Juste avant, c'était Pépé avec Bobette Bob, l'ancien numéro 1. En fait, les deux pièces sont nos anciens numéro 1 de la semaine dernière. Relégués au troisième rang. J'ai hâte de voir ce qui est en première position. T'as-tu hâte? Ben, je... Sois excité. Je ne me peux plus, mais avant le numéro 1, il y a le numéro 2. Oh, c'est vrai qu'il y a les numéros 2. Mais avant les numéros 2, c'est ce qu'il y a d'autre aussi. Avant que les gens oublient qu'on le faisait, là. La deuxième partie de notre quiz, Ice, un grand titre de journaux criminels, ou Ice, un scénario d'un épisode de Scooby-Doo? Très bonne question. On en a fait la première partie tantôt, les cinq premières questions. On est rendu à la deuxième partie des questions 6 à 10. Et encore une fois, c'est Guillaume Chalette-Janson qui va répondre aux questions de moi-même, Mathieu Plan. Sixième question. Deux voleurs ont volé et ont crashé en plein dans une voiture remplie d'argent. Ils ont crashé. On recommence. Deux voleurs ont volé et ensuite ont crashé une voiture remplie d'argent dans une swamp. D'accord. Donc, un marais, excusez-moi. C'était bon de me corriger. Oui. Pour trouver le butin sans alerter les résidents de la ville autour du marais, ils ont pris un vieux riverboat, un bateau. Oui, avec une grosse hélice en arrière. C'est ça. Hein? Ils l'ont sorti la nuit pour rechercher un petit peu partout sur l'eau pour trouver la voiture et l'argent. Vraie histoire vraie ou épisode de Scooby-Doo? Vraie histoire. Septième question. À un concours de planche à neige dans les montagnes, les compétiteurs et les visiteurs ont eu peur alors que certains des planchistes se sont perdus. On ne les trouvait plus, d'accord? Donc, ils étaient recherchés. Le médaillé olympique Chris Klug a aidé à l'enquête. Est-ce que c'est une histoire vraie ou un épisode de Scooby-Doo avec comme artiste invité Chris Klug? Ben écoute, je serais tenté de dire que c'est une histoire vraie parce que Scooby-Doo, il joue pas à la planche à le snowboard. Là, ça existe pas là dans les années où ça a été fait. C'est encore le bon vieux ski alpin. Mais attends, excuse-moi, je vais juste ajouter un petit fait. Ouais. Je crois que le jeu est basé sur tout ce que j'appelle le canon de Scooby-Doo, ce qui veut dire toute l'œuvre de Scooby-Doo dans tous les temps, donc toutes les époques. Ça se pourrait qu'il y ait une série plus récente qui ait utilisé Chris Klug. Ça se pourrait que ce soit une série comme Quoi de neuf Scooby-Doo ou quelque chose. Je persiste. C'est une vraie histoire, ça aussi, je crois. On va essayer. Il y avait beaucoup de Scooby-Doo là, dans l'autre. J'essaie de c'est ça, dans la... Exactement. Ça doit être 5-5, j'imagine. Huitième question. La police a été étonnée et bouche bée par le cas d'une grand-mère silencieuse. C'était peut-être le crime parfait, dit-il. La vieille femme est restée assise pendant un après-midi au complet. Elle est restée assise complètement pendant toute une journée au complet, l'après-midi. Elle s'est levée quand une boîte d'argent était laissée sans surveillance et elle est partie avec, sans se faire détecter par la sécurité. Donc, elle était endormie toute la journée et puis elle a vu une boîte, elle a remarqué une boîte puis elle s'est juste levée, elle a pris la boîte et est partie. Ça, c'est une histoire vraie. D'accord. Ça serait un petit peu long pour un épisode de Scooby-Doo de faire oui, ben c'est ça, puis plus ou moins palpitant, là. C'est ça. Question numéro 9. La vedette, la rockstar Jimmy Lewis a été harcelée par une personne mystérieuse qui se déguisait en Gene Simmons et qui essayait de voler une des chansons à moitié terminées de Jimmy Lewis. Et Gene Simmons est un des membres de Kiss. Kiss, Scooby-Doo, définitivement. Ça a l'air assez. Ah oui, le maquillage est... Ah oui, oui. On le voit même, on peut presque imaginer l'épisode. Je vois l'épisode. On sait. Question numéro 10. Les visiteurs d'une région du Japon ont été tourmentés? Oui. Par des singes rogue monkeys. Comment se traduirait ça, rogue monkeys? Dur à dire. En tout cas, par des singes, on va dire. Les singes prenaient la nourriture et d'autres affaires dans leur voiture, dans les magasins et dans les maisons des gens facilement. C'est parce que Mathieu fait la traduction instantanée. Hein, c'est pas facile, on n'a pas Google au bureau. Les singes prenaient la nourriture et d'autres affaires dans les voitures, dans les magasins, dans les maisons facilement, ce qui faisait qu'il y avait l'air d'être des singes entraînés pour ça. Épisode de Scooby-Doo ou la réalité? La réalité. D'accord, réalité. C'est sacré japonais. Je fais soumettre... Et je crois qu'on devrait quasiment... Non, regarde-tu le suspense pour la fin ou on y va tout de suite? On va donner, mettons, la première moitié. OK. Je te donne les réponses. Donc, l'histoire d'un homme qui était appréhendé en tant que mineur de 150 ans, là, toi, tu avais choisi que c'était un épisode de Scooby-Doo. Ah, définitivement. Et tu as raison. Ça vient de l'épisode de Scooby-Doo, Mind Your Own Business. Jeu de mots. Hein? C'est un bon jeu de mots. Pas pire. Hein? Oui. Question numéro 2, l'affaire avec un homme qui a réussi à voler une banque en zigzag en arbre. C'était un épisode de Scooby-Doo. Un épisode de Scooby-Doo, mais ce n'est pas vrai. Ah. C'est une vraie chose. C'est vraiment arrivé. Donc, si vous voulez aller voir l'article, le lien est sur le unechance.com, le site de l'émission, unechance.com pour lire ça. Qu'il y a des photos? Je ne sais pas. Ah, dommage. Question numéro 3, l'histoire du testament d'un millionnaire. Tu avais répondu que c'était une vraie nouvelle. C'est faux. C'est un épisode de Scooby-Doo. Ça vient de l'épisode A Night of Fright is No Delight. Mais ils ont des beaux titres concepts. C'est le fun. C'est pas pire. Question numéro 4. L'histoire d'une maison avec des adultes. Un gars qui s'est pointé. Oui. Tu disais que c'était une vraie histoire? Oui. C'est une histoire vraie. L'article est aussi sur unechance.com. Et finalement, pour la première partie, question numéro 5. L'histoire d'un château hanté par une madame. Tu disais que c'était un épisode de Scooby-Doo. Oui. Classique. Oh. Non, c'est faux, c'est une histoire vraie. Vous pouvez aller voir l'article sur kfmonkey.blogspot.com. Je suis confondu. Tantôt, les réponses des cinq histoires, dernières 6 à 10. Mais pour l'instant, on va entendre nos numéros 2 du côté anglophone. C'est The Answer avec Under the Sky. Mais avant... La loi des cactus avec Babylon Resistance Sound System. Le succès de la minute 19h40 le vendredi soir. Je rappelle aux gens qu'on est en direct le vendredi en rediffusion le jeudi à 14h. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que je remplace et nous remplaçons Kiwan. Tantôt, restez là. Musique venir vers toi. Entends-tu le message que transporte notre voix? Si tu te sens seul, prisonnier de tes questions, alors laisse tomber le stress et accepte notre invitation. Car autour de nous, il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens lancer avec le Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You think you want more sunshine in all them life? You think you want more loving in their life? Because we are fight by the sign in their line. They do them want more loving in their line. Yeah, them want rise. We not in the gun because we are fight by the sign. Get up every day and treat we like proof. So my way hungry while you pack it them both. Kick back and I relax while out your life tough. Babylon your schemes we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go be you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me, me ready not sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And bien danser. Laisse de côté tout ce qui va de travers et viens danser. That's right. Car autour de nous il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens danser. C'est pas, hein? Je te faisais signe. The Answer. Hey, c'était cœur, hein, cette musique-là. Wow! The Answer avec Under the Sky, numéro 2 anglophone, remonté d'une place. Hein? Et avant, c'était quoi, donc, je me demande, comme ça? C'était la loi des cactus, du côté francophone. Avec Babylon Resistance Sound System. Toujours le fun à dire. Et en passant, Babylon Resistance, 8 semaines, c'est beaucoup. Ça commence à être un record. Ça va vraiment, ça va loin. Ça, là. Puis c'est encore très très haut. Là, c'est en deuxième position. Tu sais, fait qu'à un moment donné, genre, arrêtons de divaguer. Non, non, je suis en train de le comparer avec les autres. Puis effectivement, c'est pas mal dans les plus forts. Il y a Cendrillon lave le poil avec les amis au Pakistan, mais Cendrillon lave le poil est rendu au numéro 12. Moi, donc, il est en déclin. Babylone, c'est le succès de l'été. Je pense que c'est vraiment un des tunes qui a le plus joué à l'été 2007 pour ces fous. Donc, bravo à eux, la loi des cactus. Voilà. Donc, tantôt, bon, là, ça commence à faire longtemps, là, les gens se rappellent peut-être pas, mais tantôt, on faisait un quiz. Est-ce que c'est un vrai, une vraie nouvelle de crime ou est-ce que c'est un épisode de Scooby-Doo? Bon. On était en train de révéler les réponses. On a fait 10 questions. On a passé les 5 premières réponses. Et on est rendu à la 6e. Tu voulais savoir, j'imagine, si tu as eu raison ou tard. L'histoire de deux voleurs qui ont volé et qui ont fait entrer une voiture dans une swamp et qui ont pris un bateau pour essayer de surveiller la place pour trouver leur voiture. Tu disais que c'était une histoire vraie? Oui. Faux, c'est un épisode de Scooby-Doo. Ah, bien. L'épisode Which Witch is Which? Hein? Mais ça ne cesse pas d'être savoureux comme jeu de mots et début d'épisode. Continuons. C'est mon style de blague, ces jeux de mots-là. C'est bon genre. Septième, celle avec les planchistes, les affaires de planche à neige dans les montagnes, là, et le médailliste, le médaillé olympique, oui. Chris Klug, tu te rappelles? Tu disais que c'est une histoire vraie? Oui. En fait, du compte, c'est pas vrai. Non, c'est un épisode de Scooby-Doo. There's no creature like snow creature. Hein? Quand même pas pitch. Je la peigne pas, mais oui, ça sonne bien. Ah, c'est comme. Ça vient de There's no business like show business, no business, no creatures, c'est un jeu de mots. Question numéro 8 dans notre petit quiz. Le cas de la grand-mère silencieuse qui a volé une boîte alors qu'elle avait passé toute l'après-midi endormie sur sa chaise. Tu disais que c'était une histoire vraie? Oui. C'est bien une histoire vraie. Ben, c'est intéressant que ce soit parce que vraiment, là, en cartoon, une grand-mère qui attend sur une chaise, c'est plus ou moins palpitant. Ça aurait été long. Ouais. Donc, bravo pour celle-là. La neuvième question, l'histoire de Jimmy Lewis, le rockstar qui a été harcelé par une personne mystérieuse. Gene Simmons! Ah, ça, c'est clairement un épisode de Scooby-Doo. Eh ben, t'as raison, c'est un épisode de Scooby-Doo. Ça vient de l'épisode Diabolical Disc Demon. Wow! Et la dernière question, la numéro 10, les visiteurs d'une région du Japon qui étaient tourmentés par des singes qui avaient l'air d'avoir été entraînés pour voler. Tu disais que c'était une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Donc, si vous voulez aller voir les articles de toutes ces vraies histoires et voir les noms des épisodes faux et vous les procurer en quelque part, allez voir le unechance.com qui est le site de l'émission. Ton score final, si t'es intéressé, c'est 5 sur 10, t'as eu 50%. Tu passes pas, mais quand même, t'es proche. Je leur ferai la session prochaine. T'étais à ça. T'étais à un scrapidou d'être Scooby-Doo. On commence à manquer de temps un petit peu pour la fin de cette troisième heure. On va l'entendre la position numéro 1 du côté francophone pour commencer, bien sûr, parce que c'est toujours par là qu'on commence. Voici tout de suite, qu'est-ce que c'est? Robot Academy avec, en fait, c'est la Baroque Machine avec la pièce Robot Academy. Et c'est au palmarès, c'est fou, restez là parce qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. Ça va être dans la quatrième et toute spéciale dernière heure des palmarès. Et vous risquez d'apprécier. J'ai bien l'impression que moi. On ment pas souvent, disons. T'sais. Au palmarès, c'est fou. L'émission de demain et aujourd'hui au 89.1. FM. Commercial, approuvé par l'industrie généreuse. suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. La Baroque Machine avec Robot Academy, le numéro 1 francophone de cette semaine. C'était le numéro 2, donc remonté d'une place. Et leur album, c'est Popus. Très, très sympathique, la Baroque Machine. J'aime beaucoup ça, même au niveau des textes. Quoique la voix pourrait être plus dynamique. Oui, ou plus discrète. Ouais. Un des deux. C'est bon instrumental aussi. Mais en fait, bon, on jugera pas de même. Non, on est qui, nous autres? Anyway. On est rien, nous autres. Hé, gars, faire la musique. C'est ça, on va commencer ça. Et le grand numéro 1 du côté anglophone. C'est un nouveau qui vient de remonter de 3 places à numéro 4 la semaine dernière. On le mentionne pas tout de suite parce que c'est la fin de la 3e heure à venir. La 4e heure, on remplace l'émission qui nous suit le vendredi. C'est la dernière porte à gauche. On va le remplacer avec brio, j'en suis sûr. Et les jeudis, on remplace ce qui nous voit qui est repoussé à 18h. On parlera de ça en détail. Tantôt, et on vous dit aussi que tantôt, on va faire notre palmarès en rappel moins 4. On va faire les palmarès tels qu'ils étaient en 2003. Mais pour l'instant... Merci d'avoir été là pour les trois premières heures des palmarès. C'est fou avec Guillaume et Mathieu. Et reste avec nous parce que sinon, tiens, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. On se fâche, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tout de suite, voici le numéro 1 anglophone des palmarès de C'est fou. Du très bon rock britannique. Voici The Klaxons avec Two Receivers. Ah, c'est fou 89.1. FM. Alors, on est avec vous jusqu'à 21h, donc restez là. On s'en va pas, disons, on reste là. C'est nos postes. Flags. Le numéro 1 anglophone de cette semaine, c'est The Klaxons. Two Receivers. Dos Receivers. Receivers. C'est ça. C'était le numéro 4, donc remonté de 3 positions pour eux. Résumons ce qui s'est passé depuis le début de la troisième heure tantôt. Je vais te laisser faire le côté. Quel côté ça tente de faire? Francophone. Vas-y avec ça. En numéro 15, les prostituées avec la pièce New Wave Kid. Numéro 14, les concassés. Au numéro 13, Udon Placard. Au numéro 12, ils étaient... Oh, il y a une petite descente, les amis du Pakistan. Numéro 11, Corrigan Fest. Numéro 10, on les adore, Tricot Machine. Et d'ailleurs, Tricot Machine, savais-tu qu'ils étaient en nomination pour artiste de l'année à la 10? Oh! Alors, tu as de bonne chance. Hey, ça le fait. Au numéro 9, Plasticine. Numéro 8, la formation parallèle de Malajube, Jacques Mort. Au numéro 7, Olinéa. Au numéro 6, c'est toujours très décapant, les Ghouls. Au numéro 5, The Brick. Numéro 4, Air. Numéro 3, Bobette Bob de Pépé et sa guitare. Numéro 2, c'est Babylon Resistance Sound System par la loi des cactus. Et le grand numéro 1 du côté francophone, c'est fou cette semaine. La Baroque Machine avec la pièce Robot Academy. Qu'est-ce que ça dit du côté anglophone? Eh bien, du côté anglophone, en 15e position, nouvelle entrée, Bad Religion avec Heroes and Marchers. En 14e, l'ancienne 9e, Maximo Park avec Girls Who Play Guitars. 13e, United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks. En 12e, Yeah, the Artist of the Year. 11e, Girl on TV de Bradley. 10e, Border Patrol de National Parks. 9e, Eve of Seduction de Symphony X. 8e, Fashionable People de Joel Plaskett, Emergency. 7e, c'est Pride Tiger avec Let Him Go. 6e, remontée pour Nighthawks avec Two Hours Traffic. 5e remontée aussi pour I Know Kung Fu de Shit Disco. En 4e descente pour À Tout le Monde de Megadeth. En 3e, c'est l'ancien numéro 1 Metric avec Grow Up and Blow Away. En 2e, remontée pour Under the Sky de The Answer. Et le numéro 1, on vient d'entendre, c'est une remontée de 3 places pour The Klaxons avec deux récepteurs. Non, je pense que c'est un référent au baseball. Ah, ça aurait pu être un récepteur de télé aussi. Ça peut être un catcher, là. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ça pourrait être ça. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ça devrait être ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est moi, si j'étais coach de baseball, il y aurait au moins 2 catchers dans le même. Reste avec nous parce que dans 30 secondes, on vous laisse transitionner pour notre super spécial extraordinaire des palmarès en rappel moins 4. On va faire le palmarès tel qu'il était en 2003. Et tout ça est un paquet de plaisir, peut-être quelques sélections de notre part, peut-être quelques sujets divers. Tout ça dans la 4e heure des palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Bye bye. Youhou! En direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, c'est les palmarès en rappel. Aujourd'hui, 2003. Flashback. Un retour dans le temps musical avec vos deux animateurs, Mathieu Plante et moi-même, Guillaume Cholette-Janson. Et que ça va être drôle de se rappeler comment c'était en 2003. J'étais même pas encore arrivé à ces choses. J'avais à peine la barbe. C'est ça, moi j'avais 12 ans. En 2003. Donc, ce soir, on va entendre les 5 premières positions francophones et anglophones. On va entendre, entre autres, Ouch, Alligator Trio, Antoine Graton, The White Stripes, Loose Wind Blue, Jane's Addiction. Tout ça pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2003. On va se rappeler des souvenirs. On va se demander où on était en 2003, je pense. Hein? On va voir si c'est pas pire. Okay? Tout de suite, voici notre première entrée, c'est-à-dire la 5e francophone. C'est Starbuck et les Impuissants. Voici Débranchez-moi au palmarès, c'est fou. Jusqu'à tantôt. Vous avez été inconséquent, inconscient. Vous l'aurez voulu. Il parle de toi, je pense. Starbuck et les Impuissants. Tout seul dans le noir, j'ai eu mal à la tête, je me suis senti d'appel. Et comme une marionnette, j'ai beurré mes paupières. J'ai voté Jean Chrétien, j'ai voté pour un chien. Débranchez-moi, débranchez-moi, je suis un libéral. Débranchez-moi, je suis un malade mental. J'ai vendu mes amis, j'ai vendu ma patrie. Je suis comme un français, c'est rien qu'une gang d'épée. Un peuple de sans-abri, une tente de débris. Un peuple de sans pays, un cadavre qui sourit. Débranchez-moi, débranchez-moi, je suis un libéral. Débranchez-moi, débranchez-moi, je suis un libéral. suis un malade mental. Je suis dans l'isoloir, un peu fait l'abattoir. Mon nom est sur ma liste, je suis un masochiste. J'ai voté Paul Martin, j'ai voté pour un chien. J'ai voté libéral, j'ai voté pour un sale. Débranchez-moi, débranchez-moi, je suis un libéral. Débranchez-moi, je suis un malade mental. Débranchez-moi, je suis un libéral. Débranchez-moi, je suis un malade mental. Débranchez-moi, je suis un libéral. Débranchez-moi, je suis un malade mental. Est-ce que tu te fais un sudoku fait maison? Oui, puis c'est pas facile. C'est même... Ben, quand tu mets les chiffres n'importe où, pas sûr. Ah, ça se fait. Building. Tout de suite, voici la quatrième position francophone telle qu'elle était en 2003. C'est la formation Ouch avec Harpa Souris. Et où sont-ils rendus? Ouch! Sûrement tombés de haut. Ouch! Position numéro 4, francophone, c'est Ouch avec Harpan Souris qui descendait de deux places à ce moment-ci même en 2003, il y a 4 ans. Maintenant, on passe tout de suite à notre quatrième position anglophone. C'est Mitch Haricka. Ah, un petit band. Moi, ça, ben, tu, c'est underground, là. Mais dans ce temps-là, c'était bien big. T'sais. 2003, c'était hot. C'était en train de sortir de l'ombre. Un tout petit album, le Saint-Angers. Saint-Angers, ouais. C'est ça. Avec des succès, là, t'as Frantic, t'as Dirty Window, t'as... Ça demande son où, hein? Je sais pas. Dans un casino tout nu à Vegas! Ah, c'est les palmarins, s'en rappelle! Moins 4! Metallica! De l'album Saint Anger, wow. Dans les palmarès, sans rappel, moins 4, c'était le palmarès tel qu'il était en 2003. On vient d'entendre les 4e positions, Metallica, qui était l'ancien numéro 1 de la semaine d'avant. Pourquoi pas. Et juste avant, c'était du côté franco, Ouch, avec Harpeur Souris, qui était la 2e position. Avant ça, la 5e franco, Starbuck et les Impuissants, Débranchez-moi, la parodie ou le remake de I Wanna Be Sedated Ramones. On aime quasiment mieux l'original, quasiment. À peine, quasiment. On est proche. Et la 5e anglophone, c'est Anecdoton avec Monolith, l'ancienne 8e. On se dépêche avec nos 3e positions. On va entendre, entre autres, un groupe que tout le monde aime. Les White Stripes. Hein? C'est oui. Les White Stripes. Les qui? Les bandes blanches. Les straps blanches. Les straps blanches, c'est encore mieux du moins. Mais avant, voici Alligator Trio avec Hier au soir à Châteauguay. T'aurais pu dire à trois. Yar! Non, mais je vais faire un ah! Un postiche! Pendant que je postillonne. Au palmarès, on rappelle! 2003. Toujours au palmarès 2003 de la Chifou 89. Hey, on s'en va au numéro 3. Et en 2003, le numéro 3 était occupé par les White Stripes avec leur album Elephant et la pièce Girl, You Have No Faith in Medicine. No girl, you don't, no girl. au palmarès, en rappel, 2003. This implanted in a pill. Just the name upon the bottle which determines if it will. Is the problem you're allergic to a well familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? What's in a benefit? Yes, in a medicine. Oh, girl. Oh, girl. right off a tree and just hand it this way. Don't even need a drink of water to make the headache go away. Give me a sugar pill and watch me just rattle down the street. Oh, petite fille, tu fais pas confiance aux médicaments. Nous sommes le 27 juillet 2003 et les White Stripes sont les grands numéro 3 à C'est Fou. Vous voyez comment on est up to date à C'est Fou. Et on peut même jouer à Nostradamus. Et prédire qu'en 2007, ils sortiront un album qui s'appelle... C'est pas, j'étais pas au niveau des pourris, oui, là, ben je oui, le savais. Il va me revenir, le titre. Ah, attends, Tom... Iki Tom. Oui, voilà, voilà. Yes. C'est des visions qui me viennent comme ça, en temps réel, live, en 2003. Donc, vous écoutez les Palmarès en rappel, moins 3, les éditions du 25 au 31 juillet 2003. On vient d'entendre nos numéros 3. Donc, The White Stripes avec Girl, You Have No Faith in Medicine qui remontait de 4 places. Et avant, c'était le numéro 3 francophone, Alligator Trio, avec Hier au soir qui remontait de 2 places. On est super pressé dans le temps, vous le savez, on a tellement de choses à faire dans cette quatrième et dernière heure. En remplacement, en passant, bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu Plante. Mathieu Plante en remplacement de Kiwan La Liberté qui anime d'habitude la langue à la porte à gauche et vendredi soir à 20h. Et si vous écoutez le jeudi, on remplace OK Nouvelle, mais on les a giflés un peu. Chling! On les a tassés à droite. Ils vont commencer à 18h ce soir. Oui, tout simplement. Alors, à la place de base, c'est comme ça. D'abord, que voulez-vous que tu t'as 14h en étudiant le jeudi. Là, c'est comme ça. Tout de suite, voici notre numéro 2 francophone. Et c'est un classique que je dédie à un précédent animateur des Palmarès C'est Fou. Il se nommait, et se nomme encore, François Jacques. Et voici Jack. Parce que Jack, c'est un bon gars. Jack, c'est un bon gars. Je l'avais dit, hein. Il se couchait tard. Ça aussi. Oui, oui. Jack, il aimait ça. Sortir pis rire pis on a eu un fun rare. Toujours un bon ami. On veut s'ennuyer de lui. Mon Jack il est mort aujourd'hui. Jack essayait bien d'aimer tout le monde. Mais toi pis moi on sait bien qu'il y a des trous cul dans la vie pis qu'on peut pas aimer tout le monde. Ceux qui aimaient les aimaient fort. Grandis au pied de l'oratoire. Jack, you say I'm not gone. Jack, tu participes trop vite. Tu nous as laissé tout seul ici. On se reverra bien au paradis ou en enfer. Puis on ira prendre une bière. Affiche ton sourire. S'il y a une chose qu'il détestait, c'était de voir la face quand on voyait. Maudit mon Jack, maudit qui nous aimait. voir la face quand on braillait. Maudit qui nous aimait. Nous aimons encore, ça. C'est Jack. Sais-tu qui qu'on aime aussi? Bon, on les aime pas parce qu'on les connaît pas, pense. Mais non, le numéro 2, Lou Serene Blue. En 2003, maintenant, là, on est en 2003, là. Hein? Oui. On porte des vêtements de, d'époque. Oui, oui, ouais, du Fubu pis tout, là. C'est toute la gang. Puis on écoute les palmarès de la semaine du 25 juillet 2003. Voici Lou Serene Blue et Game Stable en deuxième. Et on est convaincu que cette pièce-là va demeurer dans l'éternité. Ouais, nous autres, on sait que dans, en 2000, mettons, ou en 2007, mettons, ça va jouer à profusion. Ah, que c'est bon. Lou Serene Blue. Woo! Woo! Perfect! Serene Blue était numéro 2 avec sa pièce Game en 2003. Vous en souvenez-vous? Tu dis Blue Suede Shoes? Lou Serene Blue? Tu connais pas? Blue Suede Shoes? Ils ont gagné un Grammy. Non, ils ont jamais gagné rien. Non, ils ont un petit peu passé à l'oubli juste après avoir visité les Palmarès C'est Fou. C'est sûr que ça fait les Palmarès C'est Fou. Soit ça te propulse. Ça passe ou ça casse, et voilà. Ou ça t'écrase. Ça passe, ça t'écrase. C'est pas pire. On est rendu à nos numéro 1. Il nous reste 20 minutes à l'émission, comme ça, jusqu'à 21h les vendredis, parce qu'on vous rappelle que Guillaume et moi, on remplace la dernière porte à gauche de Kiwan. Ça, c'est les vendredis soirs à 20h, l'émission de la musique émergente francophone. Soyez là les vendredis 20h et les jeudis et mardis à 17h. Et d'ailleurs, samedi et mardi, j'ai oublié les jours. Samedi et mardi, ça va jouer quand même. OK. Soyez là pour ça. Ça des visions flashback, là aussi. Dans la porte à gauche, version vintage. Et le jeudi, on repousse Hockey Nouvelle à 18h pour ceux qui attendent. Oui, mais question de... Une question de émission d'old school francophone. Hein? Quand on est nostalgie, là... Ouais. Bon. Voilà, je t'ai dit. Il n'y a rien de plus clair que ça. Le grand numéro 1. En juillet 2003, Mathieu, quel était-il du côté francophone? Eh bien, c'était nos amis de chez Capitaine Révolte avec une pièce qui s'appelait Jardin Infernal. Et étrangement... Quelques années plus tard... Elle s'appelle encore Jardin Infernal. Ça. On a un petit peu défait notre jeu de « On est en 2003 pour vrai », là, par exemple. La joke était bonne. Fait que, hey, t'as-tu entendu parler, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Le Canadien a gagné hier contre les Nordiques. Ah non, ouais, non, non. Ça marche pas. Bon. L'homme est allé sa lune. Non, attends. Non, non, c'était... Non. Hey, John Lennon est... Ah non, non. Non, non, non. Michael Jackson, t'as noir. Il a violé un enfant, oui. Ah, ça, c'était vrai. Ça, toutes les années. Yeah! Toutes les années, c'était vrai, ça. Jardin Infernal, Capitaine Rival. Au palmarès, sans rappel, moins 3. Assez fou, 89 FM. La radio campus. Attends. La radio active. Oui, j'ai trouvé des tatous dessus. Des tatous? Oui. Ok, montré tout à l'heure. Ok. Où ça? J'ai peur, il fait noir. Mes idées peignent dans le désespoir. D'un jour trouver la clé de mon bonheur. Où se cacher? Jardin Infernal de Capitaine Révolte. Et tout de suite, à l'instant même, voici le numéro 1 anglophone. Juste parce que de l'addiction de Jeanne. L'addiction de c'est addictive comme pièce. Ouais, c'est Just Because. Just Because. Au palmarès, j'en rappelle. 2000. Je t'ai coupé en 2003. 2003. Merci. I better watch out. je te dis, c'est une belle année, ça, 2003. Jane Addiction était numéro 1. On était dessus bien. Alors, on était bien à ce temps-là. C'était le bon, la bonne époque. Wow! Donc, c'était évidemment, comme tu viens de dire, Jane's Addiction avec Just Because, qui remontait de 2 pour la semaine du 25 juillet au 31. Et le numéro 1 francophone, juste avant, c'était Capitaine Révolte avec Jardin Infernal, qui était là depuis 7 semaines. Ça vient... c'est le meilleur album, ça. Album, là. Oui, ben le rouge, là, je pense. Danse sociale. C'est ça. C'est mieux ça. Vaut être seul que mal accompagné. Parlant de ça. C'est toujours vrai. Mephisto s'en vient à 21h. Oui, Mephisto, qui va nous faire jouer encore ce qui se fait de mieux au niveau métal. Metal, rock, métallisé, c'est le nom du Mephisto Show. En fait, c'est son thème. Donc, ça s'en vient à 21h. Mais avant, on a le temps de se gâter un petit peu avec de bonnes vieilles pièces que tu nous as choisies, Guillaume, ben de oui. Monty Python. Écoute, je vais remonter dans le temps encore un peu plus loin. L'album est sorti en 1980. Les Monty Python qui ont assiégé la Grande-Bretagne dans les années 70 et 80 avec leur humour, ma foi, très varié, autant corrosif que burlesque. Et cette fois-ci, on fait jouer la pièce. Question de vous préparer pour le Mephisto Show, la musique qui ne jouera nulle part ailleurs, qu'à C'est fou. Eh bien, on vous fait jouer une pièce qui s'intitule carrément, Mathieu. I bet you won't play this song on the radio. Ben, cette fois, on vous fait contredire, les gars. On va jouer cette chanson à la radio. Juste pour vous, au palmarès en rappel. 1980, les Monty Python. I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new song. It's not that it's awful controversial, just that the ing words are awfully strong. You can't say on the radio or. You can't even say I'd like to you someday, unless you're a doctor with a very large. So I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they dare-ing well program it. I bet you the-ing old program directors will think it's a load of horse. C'était schtroumpfement bon, ça. Ben écoute, ce qui est intéressant, c'est que tu peux deviner les mots. Moi, ça m'a pris 3 écoutes et okay. J'ai réussi à tous les trouver. C'est le début de chaque mot, c'est oui. Ça en tête? Je peux te faire en rafale si tu veux. Non, vas-y donc. Pendant qu'on écoute Finland de Monty Python sur leur album obligé par leur contrat, Monty Python's Contractual Obligation Album. Et voilà! Qui est une pièce publicitaire pour le merveilleux monde qui est le Finlande. La Finlande, en fait, le pays, pas le monde. Mais en tout cas, on se comprend tous. Finland. The country where I want to be pony trekking or camping or just watching TV. Finland. It's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, the country where I want to be eating breakfast or dinner or snack lunch in the hall. Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, up or second to Belgium when going abroad. Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland has it all. Well, together, Finophiles! Finland. The country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland has it all. Finland has it all. Ça donne envie d'y aller. If you've enjoyed hearing this song and would like to know more about Finland, why not ring Mr. Griffiths of Hemel Hempstead. He and his charming wife Edna would be glad to answer any of your questions, and who knows, may show you some of their unrivaled collection of Scandinavian credit cards. N'est-ce pas que ça vous donne le goût d'aller au en Finlande? Les Monty Python qui nous chantaient ce succès souvenir directement sorti des années 80! Ça vient de leur album Contractual Obligation Album qui inclut des pièces incroyablement drôles telles que Astus ma face. Hein? Et Au revoir, John Denver. Oui, ben d'ailleurs, Au revoir, John Denver, tu pourrais presque la faire jouer. C'est une pièce de 10 secondes. Oh, ben tiens, pourquoi pas? On va aller faire ça tout de suite. C'est même 20 secondes à part avec ça. On l'écoute et puis on revient avec la conclusion des palmarès. C'est fou, 89 ans. Au revoir, John Denver. Vous allez voir, c'est le titre est dans la chanson et vice-versa. And now, the sound of John Denver being strangled. You came on my pillow. Et voilà! C'est tout, et voilà! T'es venu sur mon oreille. Le son de John Denver qui est étranglé. Ben, pourquoi pas? Ben, je pense que c'est le rêve de plusieurs personnes. Ben, je pense que oui. Tu sais, c'est la fin des palmarès, c'est fou pour cette semaine. Et notre version, on va rappeler justement les pièces qui ont joué en rafale comme ça. Donc, du côté francophone, 5e position, Starbuck et les Impuissants avec Débranchez-moi. 4e, Ouch avec Arpent-Souris. 3e, Alligator Trio avec Hier au soir. 2e, Jack avec l'artiste Antoine Graton. En première, Capitaine Révolte avec Jardin Fermé. Et du côté anglophone, numéro 5, Anecdoten avec Monolith, Metallica numéro 4 avec Sweet Amber, tiré de l'album Saint Anger. Il y avait de la suite dans les idées Metallica à cette époque-là. De White Stripe au numéro 3 avec Girl You Have No Faith in Medicine. Et numéro 2, Love Siren Blue avec Game. Et en numéro 1, on était bien à cette époque-là parce que Jane's Addiction était numéro 1 avec la pièce Just Because. Et pour résumer nos vrais palmarès, c'est fou. Les numéros 1, c'était du côté francophone, La Baroque Machine avec Robo Academy. Et du côté anglophone, c'était The Klaxons avec Two Receivers. C'est vraiment tout pour cette semaine. On vous laisse avec, entre les mains, je dirais, du Mephisto Show, notre ancien voisin de case horaire à 21h le vendredi soir. Alors que le jeudi, si vous nous écoutez comme ça en rediffusion, ce qui s'en vient, c'est la reprise de OK Nouvelle. Ça commence à 18h. Donc, je te remercie beaucoup pour ta première participation comme ça, Guillaume. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Guillaume Chalette-Janson, peut-être te reverrons-nous plus tard. À bientôt. J'y compte bien. J'espère bien. Moi, je vous retrouve à la collection et dans la chance au coureur. Les palmarès des fous sont en direct le vendredi soir à 17h et en rediffusion le jeudi à 14h de la part de Guillaume Chalette-Janson et de moi-même Mathieu Plante. Bonne semaine. Soirée. Et bonne chance. T'as oublié ça? Bonne journée, bonne soirée, pardon.